Donc, pour ma part, je suis arrivé à Vincennes comme enseignant en novembre 1969. L'université était ouverte donc depuis un semestre. Elle s'était ouverte au début de l'année 69, parce qu'elle était construite au cours de l'été 68. J'ai été recruté par le département, on peut dire section d'art plastique. Il y a des différences entre les textes officiels et ce que nous disions nous. Il faut faire la distinction. Mais disons qu'il y avait quatre sections ou quatre départements d'art, que ce soit. Donc il y avait théâtre, musique, art plastique et cinéma. C'est vrai que le cinéma était une chose complètement nouvelle, mais de toute façon, les autres départements aussi, l'enseignement de l'art n'était pas dans les universités. C'était le résultat de la réforme d'Edgar Faure, et disons que ça a coïncidé avec 68, ça a coïncidé avec la fondation de l'université qui ne s'appelait pas université, d'ailleurs, le centre universitaire expérimental de Vincennes. Mais simplement, il y avait une distinction qu'on peut donner, c'est qu'entre la musique et les arts plastiques, on avait un avantage, c'est qu'on était censé former les gens, les professeurs, pour l'enseignement secondaire, puisqu'ils étaient formés ailleurs. Il y avait, à l'époque déjà, un enseignement du dessin et de la musique dans les lycées et dans les collèges. Il fallait donc la nouveauté, c'était que les professeurs du secondaire soient formés, comme dans les autres disciplines, au sein des universités. Donc, pour ce qui est du cinéma, c'était complètement autre chose. Et c'est pour ça que le cinéma a mis plus longtemps à être accepté. Mais je voudrais souligner une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu disais un pied dans l'institution, un pied à l'extérieur, tu as dit, littéralement. Pour certains. Après, je ne sais pas si ça te concerne, toi, en l'occurrence. La distinction n'existait pas. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Ouais. D'ailleurs, il y a dans les vidéos qui ont été mises ici une interview qui dure à peu près 9 minutes de Claude Frioux, qu'on a aperçu. Claude Frioux, donc c'est l'un des, peut-être le plus important, le plus intéressant des présidents que nous avons eu à l'époque. Et Frioux a eu un rôle assez subtil, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait que lui soit l'institution, qu'il accepte de l'être, mais il considère qu'il était le seul. Et que tous les autres, c'était des types, des gens qui ne voulaient pas participer. On ne voulait pas participer. Donc il avait trouvé des systèmes, de commissions, etc. On a passé notre vie dans des commissions pendant 10 ans. Et c'était considéré comme acceptable, comme démocratique. Mais franchement, à aucun moment, il avait compris, lui, et nous aussi, finalement, qu'on était hors institution. Ou que cette institution était un truc un peu comme ça entre deux. Donc, autrement dit, il y a un paradoxe, c'est que, effectivement, nous avons passé notre vie dans cette université. C'est-à-dire que le monde s'arrêtait au bois de Vincennes, pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on était là tout le temps, en assemblée générale, en réunion de ci, de ça, etc. Bon. Mais c'était un univers relativement ouvert. Par exemple, moi j'ai fait, il a été cité tout à l'heure, les Beaux-Arts avec des affiches en sérigraphie. Moi je n'étais pas à Paris en 68, excusez-moi, mais j'ai fait deux affiches en sérigraphie qui figurent d'ailleurs dans les histoires d'affiches en sérigraphie au cours de mai 68. Autrement dit, j'ai pu faire un cours, mon premier cours en art plastique a été un atelier d'affiches. Bon, cet atelier d'affiches, il travaillait pour des gens qui étaient extérieurs. Ou alors pour nous, en tant que militants. C'était pareil, tout ça, c'était exactement pareil. C'est-à-dire, si les gens rentraient dans le cours et qu'ils n'étaient pas d'accord avec nos opinions politiques, ou bien on essayait de les convaincre, ou bien ils partaient. Bon, y a un texte intéressant qui a été publié par Jean-Claude Moineau, et peut-être par moi, je ne sais pas, qui disait, en 71-72, qui disait « Cette université, si jamais elle échappe aux révolutionnaires, il faut la détruire ». C'était comme ça, c'était écrit. Enfin, c'est un texte qui a été repris assez souvent. Hein. Entre parenthèses, il y aurait un travail à faire qui est horrible et en même temps extrêmement intéressant, c'est regarder tous les descriptifs de cours des années 71-72. Je les ai gardés. Hein. Je voulais... On s'y est plongé avec Julia. Et il y en a une série sur le PowerPoint. C'est hallucinant. C'est très impressionnant. C'est du 2-1-69. C'est 2 janvier 69. 11 janvier 69. 11 janvier 69. Effectivement, il y a les 19 points. Ça, toi. J'y étais pas. Toi, tu n'y étais pas. Et regarde, il y en a 19. Déjà, c'est là. Tout art est politique, le département. Voilà. Alors, disons, pour ce qui est il s'est trouvé que... j'essaie de donner répondre à ta question. Ouais. Moi, il se trouve que j'ai été recruté, donc, Alors, je ne dis pas praticien, moi. Hein, je dis plutôt comme artiste. Parce que les praticiens, c'est quoi? Il faut faire attention à cette distinction praticien-théoricien. Moi, ça m'ennuie de dire les praticiens. Puisque, après tout, si... J'ai été recruté, moi, comme à l'âge de 23-24 ans, d'accord, mais je n'étais pas un praticien au sens strict, j'étais quelqu'un qui connaissait un peu le domaine artistique, qui avait une certaine expérience, qui avait travaillé dans des maisons de culture, qui avait fait des installations, des spectacles, je connaissais le cinéma extrêmement bien, j'ai été le correspondant, l'interlocuteur d'Henri Langlois à Grenoble pendant des années pour faire une cinémathèque, la cinémathèque française. Alors, bon, disons que j'avais un savoir, j'ai eu, je sais pas, Jean Douchet comme professeur, si je puis dire, pendant des années. On était quand même assez savant, mais on était sur un profil qui était qu'en effet l'université n'avait pas prévu, ça c'est sûr. Et puis le fait même d'enseigner là, dans une université ou en général, ça pose un problème. Hein, les écoles d'art ont trouvé des solutions, mais les universités n'avaient pas trouvé la solution. Et à vrai dire, 40 ans plus tard, à mon avis, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Parler avec des sciences humaines des arts, de l'histoire, faire de l'histoire de l'art, faire de la sociologie de l'art, faire de la psychologie, etc., ça c'est ce que par exemple la direction de la recherche nous demande. Mais enseigner les arts eux-mêmes, comment on fait, hein? Et qui peut le faire? Si vous êtes à l'hôpital, Les professeurs en chirurgie, en médecine, ils sont tous médecins, n'est-ce pas? Je crois, enfin, c'est plutôt souhaitable. Même en architecture, la plupart des professeurs sont architectes. En art, la plupart des professeurs ne sont pas artistes. Sauf dans la musique. Ah. Pas dans les écoles d'art. Non justement, ouais, dans les universités. Mais disons que, enfin, ou alors. Mais c'était le démarquage. Oui, alors ils sont historiens de l'art. Ils sont historiens de l'art. Ils sont esthéticiens, ils sont philosophes, etc. Ils peuvent avoir d'autres disciplines. Ou alors ils sont artistes, mais ils le cachent un peu. En tout cas, c'est vrai que pour l'enseignement du cinéma, encore aujourd'hui, il y a peu d'universités, effectivement, non, je veux pas qui accueillent faire, je veux pas des faire une artistes. Polémique, mais c'est le cas à Saint-Charles aussi, à Paris 1, c'est le cas à l'ESSAV à Toulouse, enfin, il y a d'autres alors, exemples, mais c'est vrai que Paris 8, historiquement... Quand j'ai été dans ce département... Alors, moi, je voudrais dire une chose, c'est que si on doit parler de la vidéo jusqu'à 1980, je n'ai pas grand-chose à dire pour ma propre pratique, puisque je n'ai pas fait de vidéo. La seule chose que j'ai faite, c'était dans ce studio le plus lourd, le plus surchauffé. J'ai été recruté par monsieur Frank Popper. Frank Popper, vous le savez sûrement, c'est un peu l'inventeur de l'art cinétique, c'est donc un historien d'art, un critique d'art, et il a été le second des directeurs du département d'art plastique, enfin très vite. Donc c'est, comme j'avais travaillé avec lui avant la fondation de Vincennes, il m'a fait venir, comme d'autres d'ailleurs, on était 5 ou 6 qu'il connaissait, et en qui il faisait confiance, il avait besoin d'assistants, on est venu, on a été déchargé de cours sous sa direction. Et Popper avait eu l'idée d'utiliser ce fameux studio de télévision pour faire des entretiens avec des personnes importantes. Alors je ne me souviens plus très bien qui c'était. Je me souviens par exemple, est-ce que ça a été conservé Non, ça... possible. Mais... Bon. T'as pas de 1 pouce, toi, vraiment. Non, mais des fois, il y a eu des copies faites après. Mais c'est vrai que c'était avec ses caméras, à la fois cinéma et vidéo. Et moi, je me souviens que je me suis retrouvé dans la régie, hein, donc comme assistant de là. Popper était de l'autre côté, avec, je sais pas, Michel Serre, par exemple, comme ça. Et moi, je me suis trouvé à faire quelque chose dont j'avais une vague idée, mais que je n'avais jamais fait, du genre, attention, caméra, machin, cadre, sur toi, attention, je faisais le montage en direct. Mais je ne l'avais jamais vu faire et je ne l'avais jamais appris. Tu l'avais un peu vu faire, ça. Dans des documentaires. Oui, c'est ça. J'avais comme ce qu'on vient de voir, à peu près. Hein. Ouais. Pas plus. Mais bon, c'est un truc... Non, c'est pour vous dire un peu que c'était comme ça. Ma scène, c'était ça. C'est-à-dire qu'on était jetés dans le bain et on se débrouillait. Hein, je prends cet exemple, c'est pas pour me faire valoir, c'est simplement pour dire que c'était ça, la pratique. Et on l'a fait peut-être 10, 20 fois. Donc ça doit être en 70 à peu près. Et c'est parce qu'on a retrouvé justement des archives au sein du département cinéma, Et il est question d'un groupe sur l'information audiovisuelle autour de Guy Gauthier et de Philippe Pilar. C'est la même expérience ou c'en est une autre ? Ça en est une autre. Ça doit être... Mais c'est... Là, on trouve. Alors, on a un certain nombre de présentations. Ils n'ont jamais été au département cinéma. Oui. Il y a l'Infocom aussi qui a. Mais, de toute façon, mais alors, ça, c'est un cours là, qui est présenté comme étant intégré à la section cinéma du département des arts. En quelle année ? En 1969-70. Ah, c'est possible. Et après, c'est au tout début, c'est avant la révolution politique. C'est avant le putsch, le dit putsch de 1971. Non, mais là, ce dont je parle, c'était avant le putsch aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle putsch pour expliciter, parce que là c'est un peu complexe. Il y a eu une alliance entre Cinétique, Boissier, Moineau, qui était un art plastique, puis c'est tout, non? Et puis les Cahiers du cinéma représentés par Narboni. On a fait des manifestes et on s'appelait le Front Gauche de l'Art sur le modèle du Front Gauche. Front Gauche de l'Art, c'était le titre du collectif que j'avais fait avec Jean-Claude Moineau. Voilà, mais alors on vous a rejoint et il y a eu une sorte d'emballement comme ça qui a réclamé en conseil des profs. Parce que tu venais aussi en cinéma à partir de. Oui, non, parce que. Non, j'ai été. 72 ou 73. Non, très tôt. Parce que, à vrai dire, j'ai été recruté par Marie-Claire Ropars au département de cinéma pratiquement tout de suite. Tout simplement parce que ma pratique antérieure, c'était des films. Hein, j'avais fait 30, 40 films. Mais j'avais fait des films comme on faisait dans les arts plastiques, ou comme on les fait maintenant dans les arts plastiques, plutôt, c'est-à-dire des films pour mettre dans des installations, et dans le théâtre, etc. Avec des plans très longs, je me rappelle très bien ton film sur Lénine. Et... non, je dois dire, le film qui s'appelle, produit par le Grec en 1970, donc j'ai fait dans la première année que j'étais... Qui a été Cinétique, nous m'a porté au nu, etc. Et parce que, donc, ils avaient deux réalisateurs, Paulet et moi, oui, c'est ça. Bon, ils ont apprécié ce film. Je me souviens, ce film a été présenté en présence d'Alain Resnais. J'étais extrêmement fier. C'était donc le Grec. Vous savez ce que c'est que le Grec ? J'étais membre du Grec. C'était la première promotion, c'est bien ça. Le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Donc j'avais fait une demande quand l'année d'avant j'avais travaillé au théâtre de Strasbourg et j'avais fait une demande par l'intermédiaire de ce théâtre avec un projet. J'ai eu comme producteur Pierre Braunberger, puis après Anatole Demange. En fait, j'ai eu deux films. J'ai été soutenu par Jean Rouch, Jean-Louis Comolli, etc. C'était un truc assez extraordinaire dont je ne me suis même pas rendu compte à l'époque. Et je veux dire que Vincent, d'une certaine façon, m'a grillé comme... Après, tu aurais pu continuer si tu n'étais pas allé à Vincennes. Exactement. Et donc, Ropars avait vu. Mais Ropars, le film que Ropars avait vu, c'était un film que j'avais fait pour une installation qui s'appelait F3, une leçon d'observation. C'était une espèce d'environnement, enfin un truc un peu difficile à décrire, mais qui était dans un théâtre, mais qui est comme une exposition, un truc en visité. Et où il y avait des films. Les films qui étaient projetés dans cet espace, c'était moi qui les avais réalisés. Il y avait un lever de soleil, il y avait un truc très gentil. Et donc, elle avait trouvé ça intéressant et elle m'avait recruté. Et donc, j'ai fait un film qui s'appelle un UV sur le cinéma de propagande. Et j'ai fait acheter une caméra Pyrabolex. Il faut savoir, alors, parce que je voudrais quand même dire une chose, c'est que la vidéo, c'était quand même une espèce de secte. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, n'est-ce pas ? Donc, on peut difficilement faire de l'histoire du département cinéma uniquement à travers la vidéo. C'est oublié les trois quarts de ce qui... Parce que non, on est là. La vidéo. Mais non, mais il faut dire que... Oui. Aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais il faut savoir quand même que Jean-Paul a été un des rares, le défenseur par excellence de la vidéo. La vraie vidéo s'est faite ailleurs, avec nos collègues qui étaient en philo ou ailleurs. Mais le département cinéma n'aimait pas la vidéo. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Alors voilà, la réception de cet outil, de ce médium, effectivement... C'était complètement marginalisé, en fait. Mais ouais, c'est pas que c'était marginalisé. Pas accepté, c'était une nouveauté. Ouais. Et disons, le cinéma que nos collègues cinéastes ou bien historiens du cinéma, esthéticiens du cinéma, très bons, enfin, non, mais il faut bien voir, par exemple, nous avons eu comme collègue Jean-Luc Godard, Vous vous souvenez de cette histoire? Il est passé. Bon, le jour d'ailleurs de, je crois que c'était le jour même de du putsch dans une assemblée générale où on a élu les uns et les autres, par exemple. Et donc Jean-Henri Roger, etc. Jean-Henri arrive, il pleurait parce que Jean-Luc Godard était passé sous les roues d'un autobus. C'est-à-dire, c'est ça l'histoire de l'époque. Il aurait été enseignant-chercheur. L'histoire raconte qu'il a envoyé une lettre de je crois que c'était une légende à Paris 8, pour dire, voilà, je voudrais être directeur du département de cinéma. On lui a dit, mais vous êtes parent avec Godard? Bon, toujours est-il que... Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur la pratique de la vidéo, puisque précisément... Pendant les 3 ou 4 ans où j'ai été dans le département de cinéma, je n'ai pas... J'ai vu avec intérêt, disons, la vidéo sortir, mais je ne l'ai pas pratiquée. Mmh. Et par contre, j'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être la vidéo, mais ça sera un autre chapitre, c'est-à-dire ce que j'ai fait par la suite, j'en ai fait énormément, mais avec le numérique. Mmh. Et puis j'ai aussi regardé ce qui était en train de se passer, justement du point de vue des arts plastiques, parce qu'à partir du moment où j'ai eu un poste d'assistant en 74, je crois, 73-74, je suis revenu, enfin des gens du département de cinéma m'ont dit, bah, tu retournes en arts plastiques, et là j'ai vu apparaître, comme d'autres, un art vidéo. Mais là, c'est par exemple chez nous, c'est Dominique Belloire qui a regardé ça, Jean-Paul, bien sûr, qui ont été des praticiens et des observateurs. Mais en même temps, on a fait des expositions, disons comme commissaire d'exposition, comme théoricien aussi de l'art contemporain. Évidemment, j'ai regardé la vidéo, mais je n'en faisais pas. Mais alors, c'est vrai que quand on regarde les listes, par exemple, des réalisations des enseignants du département cinéma, notamment celle du début des années 80, on est assez surpris. C'est-à-dire que, Jean-Paul, il n'y a pas tes réalisations. Tes réalisations n'apparaissent à aucun moment. Pour Daniel Légui, ouais. Il y a simplement ses réalisations en 16 mm qui figurent dans cette liste des films des enseignants du département cinéma. Mais moi, je ne faisais rien avec la fac. Je disais toujours, je fais de la vidéo... avec mes propres moyens, les moyens qu'on s'était donnés avec Daniel, puis après des moyens que j'allais chercher à Orléans, chez Pierre Muller, voilà, j'avais des soutiens comme ça, mais la fac pour moi c'était un trou noir, je trouvais qu'on ne pouvait pas bien travailler, et au début, les premières réalisations que j'ai faites avec les étudiants, je les ai faites avec... le matériel des Sans-Fleurs. On amenait notre portable et je pense qu'on montait même à la maison, chez nous, les premières vidéos. Pour le montage, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on a tourné. Il n'y avait pas de porte-à-pac. Vers 75, je ne sais plus quand on a fait le premier film, 74 ou 75. 74. Les Sans-Fleurs, vous dites les avoir fondés, oui, en mais créés est-ce qu'il y en avait à la fac? Alors à la fac, disponible pour les étudiants. À la fac, nous, on... alors, je pense que dans les, c'est très impressionnant. Ouais. Le monde. On a regardé donc avec attention les archives du département cinéma. Donc on a épluché effectivement tous les cours. Toutes les plaquettes de cours qu'on a retrouvées, et je dois dire qu'il y avait un petit trou entre 72 et 73. Ces années-là, on n'a pas bien réussi à savoir ce qui avait été enseigné. Mais je crois enseigné, que personne n'enseignait la vidéo en 72-73 comme pratique. Alors, je ne crois pas. Hein. C'est ça. Nous, a priori, on en trouve véritablement la trace quand même si dès 73... Dès 73, la vidéo est mentionnée, mais alors, elle est mentionnée, mais que dans l'axe télévision. Donc c'est probablement de la vidéo qui est encore de la vidéo lourde. C'est probablement pas encore de la vidéo légère. C'est le doute évidemment que l'on a, mais a priori, c'est dans un premier temps, mais de manière cette fois-ci critique, contrairement aux premiers travaux qui étaient menés au sein du groupe sur l'information audiovisuelle, où il y avait quand même une dimension critique des médias, mais pas du tout cette critique de la télévision comme appareil culturel d'État et toute cette toute cette, cette dimension appareil d'État, toute cette dimension extrêmement politique est marquée effectivement par cette approche maoïste. Mais semble-t-il, c'est pas encore une pratique de vidéo légère. La vidéo légère, d'après les plaquettes, on a plutôt l'impression qu'elle apparaît effectivement en 75-76. Et notamment, alors là j'aime beaucoup votre descriptif de cours, initiation technique de base à la vidéo, magnétoscope, portable, montage, studio, régie, avec si possible la réalisation d'un petit sujet, élément sur la nature de l'image électronique et les petites pannes et les précautions, l'entretien et le nettoyage des appareils, car la poussière est à la vidéo ce que les gravillons sont à la moto. Oui, cité par Jean-François Dax, l'autre fois. Mais je pense que là, c'est votre premier stage pratique en vidéo légère. Et là, c'était avec votre matériel ou il y avait déjà du matériel au sein du département ? Il y en avait au service audiovisuel. En 75-76, puisque bon, même avant, il y avait ce fameux CV 2100, il y avait au moins un portable. En fait, oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait à cette époque-là de plus en plus de gens sur l'université qui voulaient l'utiliser. Et les moyens étant limités, il est évident que tout le monde ne pouvait pas emprunter. Voilà, alors ça arrivait assez souvent que les enseignants utilisaient leur propre matériel ou du matériel prêté à l'extérieur, par l'extérieur. Donc ça, c'est... Bon, c'est vrai qu'après les années qui ont suivi, évidemment, les appareils se sont un peu multipliés, donc ça a été plus... Ça rappelle quelque chose. Ça fait rire quand on dit ça maintenant, mais il faut se souvenir que les têtes rotatives qu'il y avait sur les magnétoscopes qu'on utilisait à l'époque, elle avait une fortune et qui à rien la moindre poussière pouvait les casser ou les dérégler, etc. Et donc l'entretien et le nettoyage des appareils, c'était un truc hyper important, comme le disait Thierry Noël à côté de moi. On avait tous nos coton-tiges et avant de commencer à travailler, on nettoyait. Et ce qu'on disait aux étudiants ou bien aux gens qu'on avait en animation, la première chose qu'on leur disait, c'était à quel point il fallait faire attention à ses têtes, Les têtes tournantes, oui, ça c'est très fragile en ferrite. Et donc, et là, on peut dire que la poussière était nous, en tant que technicien, on n'incitait pas trop les gens à aller nettoyer les têtes du magnétoscope parce que ça se finissait très très mal. Parce qu'il y a des techniques pour arriver à ne pas les casser. Alors, si on nettoie ça, par exemple, de haut en bas, il est à peu près évident qu'on peut casser la moitié de la tête. Ce que je veux dire, c'est que quand on enseignait la pratique de la vidéo, il fallait aussi enseigner ça, parce que c'était... Oui, il fallait mieux. Moi, je me souviens juste de deux films que j'ai fait avec des étudiants, avec le matériel des Sans-Fleurs. C'est un à Dampierre, sur la Loire, là où ils allaient construire une centrale atomique. On était militants anti-nucléaire, et donc on est allé interviewer le maire, on s'est foutu de sa gueule, tout ça. Et je crois que ça a été diffusé par les Sans-Fleurs. Par Mon Œil, on l'a retrouvé dans le catalogue de distribution vidéo Mon Œil, et il a été montré au cours de la semaine du département cinéma de l'Université 75, de Vincennes, en 77, en l'occurrence au studio Galande. Et à ce moment-là, le dernier jour, donc au moment de cette grosse programmation, donc en mai 77, donc au studio Galande, il y a donc toute une journée de projection de vidéos, et l'une des sessions reprend effectivement notamment exemple d'Ampierre. Le moteur a explosé, je ne sais pas, ça c'est quoi d'ailleurs cette vidéo, j'en avais jamais entendu parler avant de retrouver les archives du département. Ça ne me dit rien. Alors que Nous ferons tous deux, c'est moi qui l'ai... Ça c'est les Sans-Fleurs, c'est moi qui l'ai réalisé tout seul avec Gilles Serva qui refaisait, sous la pression des féministes, il refaisait La Blanche Hermine, il a réenregistré et tout ça. Et j'avais été mis en contact avec Gilles Serva par un jeune prof Millière, qui est devenu un facho de première. Un facho, non, tu vois, on le voit à la télé en train de tenir des thèses d'extrême droite et tout. Et Boukowski à Saint-Nazaire, je l'avais monté avec Hélène Châtelain. Je ne l'ai pas tourné, mais je l'ai monté avec Hélène Châtelain. Voilà. Et il est où, Boukowski ? Parce qu'à Saint-Nazaire, Boukowski à Saint-Nazaire, c'est dans les archives Gatti, sans doute. Il faudrait que je leur demande, parce que c'est pas... Il y avait un autre titre, c'était « Comprenez-vous ce que je vous dis ?» C'était une phrase de Boukowski. Et je vous parle, mais sans doute vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Voilà. Et voilà, ça c'était quoi? Ces quatre vidéogrammes, c'était où? Semaine du donc, département cinéma. Présenté à la semaine du département cinéma de l'Université de Vincennes. C'était au studio Galande. Une grosse programmation de plus de 80 films. Alors, très marquée par des questions militantes. Et je trouve que dans les réalisations vidéo, enfin, il me semble que dans les réalisations vidéo du département, c'est-à-dire faites par les étudiants avec toi et puis peut-être quelques autres collègues quand même, parce qu'apparemment, Henri Sève, c'est ce que j'allais dire, Henri Sève, et apparemment Jean-Henri Roger a encadré aussi certains ateliers, même Jean-Paul Aubert. J'ai vu qu'il avait aussi encadré des ateliers de réalisation à la vidéo. Donc progressivement, mais pas des 75, un peu plus tard, plutôt deuxième moitié des années 70, j'ai quand même l'impression que la vidéo commence à être utilisée effectivement comme un outil à côté du 16 mm, du Super 8, de la photographie. Vous avez aussi d'ailleurs des formations, des stages au montage diapo, ça on n'en a pas retrouvé de trace. Donc même si ça s'insère, moi ce qui m'a quand même marqué, et là j'ai pas l'année en tête, je crois que c'est en 76-77, il est indiqué dans la plaquette qu'en gros, si la première année, les étudiants ont bien fait leur reportage vidéo, ils pourront accéder au 16 mm la deuxième année. Donc, est-ce que la vidéo était comprise comme ça, un peu comme un brouillon, entre guillemets, pour les débuts de les sélection par la vidéo. Parce que c'est pas la même chose que de chercher à faire de la réalisation vidéo volontairement. C'est sûr. Il y a un peu cette idée de brouillon. Au bout d'un moment, j'ai cessé de faire de l'initiation à la vidéo. J'en ai eu marre. Et d'autres, justement, ça, d'autres se présentaient. Mais ça, c'est plutôt quand on arrive à Saint-Denis, je crois, que j'ai arrêté de faire. Et l'autre film dont je me souviens, c'est le film. Non, il y en a eu à l'extérieur sur un quartier de Paris, etc. Et puis, le seul qui a utilisé le studio du bâtiment H, mais plutôt comme un studio décor. C'est le film d'Emmanuel Mérès. Alors, il y en a deux. Il a fait un autre petit film, oui. Voilà, il faut que tu choisisses pour nous. Soit on montre le début d'un huis clos et 625 lignes, soit on regarde en intégralité des chiffres et des lettres autour de Bader. C'est toi qui l'as sorti de la classe. Oui, mais tu aurais pu le sortir plus tôt, parce que là, j'ai eu... J'en peux pas. Mais moi, je l'aurais apporté il y a un mois. Alors, c'est ici. Tout est vieux. Donc, qu'est-ce que tu... Soit on montre le début de un huis clos et 625 lignes, soit on regarde en intégralité des chiffres et des lettres sur Bader. Je ne m'en rappelle aucun, tu vois, mais ça doit être marrant, les chiffres et des lettres. Les chiffres et des lettres, c'est assez marrant. Voilà, des chiffres et des lettres. C'est un détournement, ça dure 8 minutes du coup, donc présente-le peut-être. Ah ben non, tu t'en souviens plus. Donc c'est je peux présenter. Emmanuel Mérès était un étudiant débordant d'imagination, comme ça, qui toujours avait une idée pour le lendemain à vouloir faire, etc. Donc il a... C'est en fait une parodie de la... L'émission des chiffres et des lettres, et qui en profite pour placer un discours politique par rapport à Bader, à la bande à Bader, en tant que nom propre ou nom commun, etc. Donc, c'est assez amusant. Et puis, ça, la chute finale est assez drôle aussi. Je ne la donnerai pas. Donc, un immense merci à Patrice d'avoir numérisé et fait bien plus. Oui, mais pas restauré, parce que je n'ai pas eu le temps, là, quand même. Enfin, il a passé un temps fou à nettoyer la bande. Deux heures. Pour pouvoir... Ah, là, c'est pas très très bon.